J'ai mal, donc je parle avec le cœur sans me poser de questions. Un animal qui râle de ses peurs sans gestion. Je veux pas changer les gens, juste leur parler en face. Je pourrais quand j'étais chiant car nous coûtons noyer dans le vase. Écorché par mes choix, je suis seul à qui je m'en prends. Déçu par mes joies, même si mes acquis s'en branlent. Parler avec le cœur, c'est devenu tellement rare que ça m'étonne pas que le bonheur ait des baisses de morale. On n'arrive pas à situer, on trouve pas sa place. Alors on se bute et c'est ce qu'ils veulent parce que quand on est sous ça passe. Vieillir ça me fait chier mais je me sentais pas mieux marmot. L'école m'est nostalgique autant que mes vieux larmes. Ils créent des mots pour nous bourrer la tête. Moi j'ai de l'estime pour ma daronne et j'ai le mort parce que je pourrais la perdre. Je vais pas me cacher derrière une cape et mes gros pactisent. Chez nous la street nous bat, j'emmerde les égos d'artistes. Sincère, c'est ma foi et mes valeurs. Moi, c'est sincère, c'est ma foi et mes malheurs. C'est sincère, je mets sur le papier mes flashs de sang. Sincère, je vais pas maquiller les taches de sang. Moi, c'est sincère, c'est ma foi et mes valeurs. Sincère, c'est ma foi et mes malheurs. Sincère, je mets sur le papier mes flashs de sang. Ouais, c'est sincère, je vais pas maquiller les taches de sang. Tu sais, en vrai c'est pas compliqué dans le fond. C'est pas pour le succès que je me suis impliqué dans le son. On bouillonne, nos brisures sont nos peines. Je comprends pas ce qui tue l'homme puisque nos blessures sont les mêmes. À croire que le président, c'est le gérant d'un hôtel. Nos choix sont hésitants, faut que ça chéchante dans nos têtes. J'ai pris la plume comme une écume la première fois. Je porterai mon enclume jusqu'à la dernière vague. Combien chantent pour la thune, je m'éloigne de leur vision vite. Combien parlent de la tienne parce que leurs vies sont vides. Sincère comme le frère Babacar, j'emmerde vos blablatages. Pour votre exil, je vous paye le blablacar. Trop bon, trop con, j'en paye les conséquences. Je me cache derrière des rimes incandescentes. Je reste vrai pour pas me tromper de sens. Tout pour ma clique, tout pour mes frères. Mon 31, mon 7, 8 fier. J'suis qu'une poussière, moi donc je reste. Sincère, c'est ma voix et mes valeurs. Moi, c'est sincère. C'est ma foi et mes malheurs. C'est sincère, je mets sur le papier mes flashs de sang. Sincère, je vais pas maquiller les taches de sang. Ouais, c'est sincère, c'est ma foi et mes valeurs. Sincère, c'est ma foi et mes malheurs. Sincère, je mets sur le papier mes flashs de sang. Ouais, c'est sincère, je vais pas maquiller les taches de sang. Moi je reste de face quand le vent souffle. J'explique Prime, mais jamais je cause trop. Quand le vent souffle, j'ai fait mes choix qui t'a planté. J'assume en mangeant quand c'est fade. J'ai toujours fait comme as, c'est pas prêt de changer. Peut-être qu'un jour ça me fera manger. Tant mieux pour l'heure, je suis sincère dans ma tranchée. La fine grande armoire et on s'y perd à tant de tiroirs. Je suis un brouillard de lumière devant le miroir. Je vois les humains comme des feuilles et la vie comme un arbre. Je me bats contre le diable et je passe un message dans mon art. Je remplis des doubles pages du rap, je t'amène le trouble vite. J'emmerde ces personnages du rap qui mènent des doubles vies. Sincère, c'est ma voix et mes valeurs. Moi, c'est sincère, c'est ma foi et mes malheurs. C'est sincère, je mets sur le papier mes flashs de sang. Moi, sincère, je vais pas maquiller les taches de sang. Moi, c'est sincère, c'est ma voix et mes valeurs. Sincère, c'est ma foi et mes malheurs. Sincère, je mets sur papier mes flashs de sang. Ouais, c'est sincère, je vais pas maquiller les taches de sang.